Envoie une cigarette. Je suis à cran. Je pensais que j'en avais fini. Mon cœur explose et ses caves aussi. Je m'en bats les couilles de détruire la famille. Je me sens vite plus que mamie qui raconte la vie d'autrui depuis 50 ans. Je me suis trop terré dans le putain de silence comme papy, je parlais pas. La tête, je le comprends. Fatigué de sa bonne femme qui a passé une vie à brasser le vent. Ma tante est folle et tout le monde la croit. C'est de la folie douce, ne soyez pas con. Elle bouffe pas et elle parle de genoux. 2 semaines en HP, ça lui ferait pas de mal. Tout le monde la cajole dans son petit monde. Tout le monde boit ses paroles pleines de mensonges. Même ses propres gamins ne réagissent pas. Faudra pas chialer quand elle sera plus là. Le petit Femto, c'est le vilain canard. Le petit Femto, c'est un Dracula. Ça fait 7 ans qu'on le voit plus au repas. Mais pour qui se prend-il ce petit enculé? Gardez vos masques sur les têtes. J'ai plus peur de les faire tomber de force. Entre vous, vous êtes trop malhonnête. C'est pour ça que je vais jamais vous aimer. Les 3/4 de ma vie, j'ai vécu dans le terrier. À grogner comme un vieux boule terrier. Dans vos tombes vous serez même pas en paix. Car vous mentez plus que vous respirez. C'est pas grave, moi je blâme pas ça. Mais venez pas me blâmer de dire la vérité. Prenez vos secrets dans la tombe avec vous. Et priez vos dieux pour qu'ils puissent vous gracier. Atroce hein, ouais je sais que c'est atroce. On a dégueulé de la création moi et j'ai reproduit. J'ai reproduit comme une bête. Comme un animal. Pardonne-moi. J'aurais aimé que la vie elle se passe autrement. Malheureusement ça a pas été le cas. On va devoir tout se composer avec. Blague, je crève l'abcès et que le pu en sort. Moi j'ai fait la pute pour me sentir en vie. Je croyais que mon pouvoir c'était mon corps. Je me suis juste fait enculer dans les chiottes ma ville. Pour quelques billets colorés, pour quelques barrettes de Tamien. Des bouteilles d'alcool pour oublier, des bouteilles pour noyer le chagrin. La vie cette pute elle est ce qu'elle est. Cette conne m'a giflé donc je l'ai regiflé. Devant sa petite gueule je fais le malin. Mais je sais que cette pétasse reviendra me battre. J'ai plus peur de cette conne maintenant je sais me battre. Traite chaîne attaque à me faire dormir dans un squat. Même ça me fera jamais signer un pas. Je me suffis à moi même que le monde baisse sa race. Les mots sont durs mais ils sont ce qu'ils sont. Si personne m'en parle comment on va faire? Si toi t'as fait le choix de finir sur une civière. Moi j'ai fait le choix de dégueuler bien plus qu'une rivière. Là c'est triste comme Twist Oliver. Là c'est cru comme un viol dans une plaie. Moi je veux plus mentir, bâtard, j'en ai trop fait. Sur l'étagère ils sont tachés de sang mes trophées. Qu'ils prennent peur, j'en ai plus rien à foutre. J'ai pas le choix de manger le môme qu'a dû bouffer du foutre. Traumatisé par les odeurs de ses pores. J'ai eu beau frotter, je le sens toujours dans mes pores. Je regarde plus derrière, mais souvent ça me rattrape. Je m'encule une taille et puis je nettoie la table. C'est juste un autre jour, demain tout ira mieux. J'ai plus peur de la crasse sur la façade.